En tout cas, il y a des vestiges de temples, de pyramides, de lieux qui dateraient depuis 12 000 ans, qui ont été Sinon, datés. les Atlantes spécifiquement, David. OK. Ça sort d'où, ça, là? Ben, c'est sûr que c'est en lien avec le Nouvel Âge, Blavatsky, Et etc. voilà, et voilà. Et voilà. Parce que tout ce qu'on a, c'est un Platon, puis quelques patentes en Égypte qui donnent pas le même nom. C'est tout. Y a rien. Y a rien. J'en ai plein le cul de ça. Là, on est perdu. Les Atlantes, les Lémuriens, le continent de Mu. On fait quoi avec ça, là? Là, on va se mettre dans la tête que c'est les mémoires de ça. J'ai bien de la misère avec ça, dans le sens que là, on est en train d'essayer d'arriver à expliquer le réel avec des affaires de même. Ça a le dos large, ces affaires-là. Oui, ça existe en tant qu'égrégore mémoriel. Parce qu'on se compte des cartoons depuis longtemps. Mais il reste que, moi, l'Atlantide, j'ai aucune preuve que ça existait, puis ça n'a aucune importance à mes yeux dans ma vie. Puis quand je regarde l'actualité, puis j'essaie de comprendre, jamais que je pense à eux autres. Parce que je suis pas sûr. Oui, il y a eu des affaires, il y a eu un cycle avant, puis à un moment donné, ça s'est effondré, puis tout. Mais là, l'affaire, dire, appeler ça les Atlantes, puis. Ben, il faut bien leur donner un nom, les gens, la civilisation qui a été Oui, c'est là déchue avant que. celle actuelle. C'est là qu'on se fait avoir, dans le sens que là, on donne un nom, puis tout, puis c'est une vibration égrégorielle avec de la mémoire, puis tout, puis finalement, là, on devient. Ça peut pas être objectif, là. Parce que ça charrie de la mémoire, ça charrie de l'émotivité, tout ça. Ça fait la partie de. Nos, c'est, comment je pourrais dire ça? On est dans de la mythologie, là. C'est archétypal, là, les Atlantes. C'est rendu l'archétype de la civilisation déchue.